blessé hier sans le vouloir. Et tu veux me quitter ce soir. Ne laisse pas ma vie sans toi. Je te jure de ne plus recommencer. Si tu pouvais me pardonner, nous irons tous les deux ce soir, si tu le veux, danser dans cette boîte où l'on s'est vu pour la première fois. Laisse pas ma vie sans toi. Je t'appartiens, tu es à moi. Nous sommes faits pour nous aimer.